بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، ما المثالان اللذان أخذناهما في الدرس الماضي؟ النعيم في الجنة والروح. ما الشاهد منهما؟ C'est quoi la faïda de les avoir cités? Que ces choses-là, c'est des... Pour le premier, c'est que c'est les makhloukats, que le terme est connu pour nous. Et pourtant, la kefira. Il a cité plein de mithila, comme les femmes, le hassel, le kham. Ces choses-là, on a un mot aussi, le fiddunia, pour le dénommer, mais ça, la kefira, on ne connaît pas. On ne peut pas dire comment ils sont fiddunia. Donc, c'est encore omelette de ne pas pouvoir dire, de ne pas faire de kefia avec les sifat. Oui. Et l'autre, c'était roh, que c'était une chose qu'on a en nous, et que pourtant, on ne pouvait pas non plus la décrire. Non. Ahsan. Fal'an sayati bi khatima, thumma yutbi'uha bi sit kawa'id. Il a fait une conclusion de tout ce qu'on vient de citer depuis le début du livre. Et cela basé sur six règles qui se trouvent au fur et à mesure, Inch'Allah. قال هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. Donc, parmi ces règles, dans cette conclusion, la première, c'est que Allah SWT est décrit par le nafi ou l'ithbat. Là, il va reciter ce qu'on a dit auparavant, en résumé. يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف بنفسه بين النفي والإثبات كما قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. Que Allah s'est décrit entre ce qui est la façon dont c'est décrit entre le nafi et l'ithbat. Comme dans le verset où il dit dans le sens qu'il n'y a rien qui est comme lui, c'est nafi, ou السميع البصير, ça c'est l'ithbat. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لم يتم كمال الموصوف إلا بالنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال وكل الصفات التي نفاه الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوم والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين. Donc Allah a mis le nafi ou l'ithbat car on ne peut avoir un descriptif de perfection si ce n'est qu'en reniant les choses qui sont en défaut ou en manque. Et en affirmant les choses qui sont, elles, de grands attributs. Et toutes les sifats que Allah s'est refusé à lui-même sont des sifats de faiblesse, comme la fatigue, comme l'incapacité, comme l'injustice, ou le fait de ressembler aux créatures. Mais attention, ces sifats de nox peuvent être un nox pour Allah et un kamel pour l'insan. On ne peut pas comparer. Des choses, par exemple, la fatigue, faut de dormir, pour Allah SWT, c'est un anxe, une faiblesse. Et pour l'insan, ça peut être une faiblesse à la base, tout comme ça peut être une perfection, car si l'homme ne dort pas, qu'est-ce qui se passe? Il dort pas, bah son cœur s'aggrave. Donc il a besoin de dormir. À la base, c'est que c'est une faiblesse. Mais un homme qui ne dort pas, par rapport aux autres êtres humains, c'est quelqu'un qui a un défaut. Par exemple, t'as un être humain qui dit « moi, j'arrive pas à dormir », c'est qu'il est malade. قال وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفة كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى que tout ce que Allah s'est attribué comme صفات sont des صفات de perfection سواء كانت من الصفات الذاتية التي تتصف بها أزلا وأبدا أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته qu'il s'agisse des صفات du ذات qui sont liées au ذات celle par laquelle il est continuellement à laquelle celles qui lui sont continuellement attribuées sans début et sans fin et les sifat fi'liya, c'est-à-dire celles que il fait quand il veut comme il veut selon sa sagesse. C'est une sifat zatiya, par exemple celles qui sont khabariya comme al-yadan, les deux mains, d'accord, ou al-qadam, ou également العلم طيب والبصر wa sama, toutes ces sifat-là, Allah les a toujours. Il est continuellement, il voit tout le temps et il entend tout le temps. Et les fi'liya, c'est comme mathalan, l'istiwa, wa al-nuzul, la descente. Les choses qu'il fait, quand il veut, comme il veut, en fonction de ce que inclut sa sagesse. Mais le sifat, c'est pas au moment où il l'a fait, il l'a, après quand il l'a fait plus, il l'a plus. Il l'a toujours. Hein? Il fait constamment ce qu'il veut. Mais ce sont des sifat qui ont lieu à des moments et non à d'autres. وَكَانَ كُلْ أَصْلٍ فِي هَدِي صِفَاتِ فِعْلِيَا ثَابِتَةً لَوِي أَزَلًا وَأَبَدًا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَلَى لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَلْ فَعَالًا. Comme on va le dire maintenant. Qu'il est fait, les fi'liya, il est fait quand il veut. Et elles sont malgré tout, même si par exemple on dit que là, on est dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala, matin yanzil, il est samaï dunya. Aïwa. Au dernier tiers de la nuit. Maintenant, est-ce que maintenant, là, Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire qu'il descend? Pour nous, là, à cette heure-là? Non. Mais est-ce que ça veut dire que cette sifata, il ne l'a pas toujours? Il l'a toujours. Sifata nuzul, il l'a toujours. Qale faslun. Famil sifati Allah ta'ala allati azbataha li nafsihi al-haya, wal-ilm, wal-kudra, wal-sama, wal-basar, wal-irada, wal-kalam, wal-izza, wal-hikma, wal-ma'fira, wal-rahma. Donc, parmi les sifats que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même, la vie, le ilm, la capacité, l'ouïe, la vue, la volonté, la parole, la puissance, la sagesse, le pardon, la miséricorde. فَحَيَاتُهُ تَعَلَى حَيَاتٌ كَامِلَةٌ مُسْتَلْزِمَةٌ لِكُلِّ صِفَةِ الْكَمَالِ لَمْ يَسْبِقْهَا عَدَمٌ وَلَا يَحِقْهَا فَنَا كَمَا قَالَ تَعَلَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Donc la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une vie qui est parfaite, qui inclut tous les attributs de perfection. C'est-à-dire que cette vie n'a pas été précédée par le néant, ni ne se terminera. Il a une vie qui n'a pas de début et qui n'aura pas de fin, contrairement à nous. Nous, on a une vie, elle a un début. Même, mais par contre, fil akhira, notre vie n'aura pas de fin. Soit fil jannah, soit fil nar. Donc lui, sa vie, elle est parfaite. Comme Allah, dans le sens où il dit, et remets-toi-en au vivant celui qui ne meurt pas. Al-hayyu alladhi la yamut. Donc il a affirmé pour lui al-haya et il a refusé quoi? La mort. Surat al-Furqan, discernement, verset 58. Wa qala ta'ala huwa al-awwalu wal-akhiru. Il est le premier et le dernier. Surat al-Hadid, verset 3. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Que il est Allah, celui dont il n'a d'autre divinité en dehors de lui. Le Qayyum, le vivant, le Qayyum. Le vivant, le Qayyum. On a dit quoi? C'était quoi le Qayyum? Non. Qui n'est pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. Surat al-Baqarah, verset 255. وَعِلْمُهُ تَعَالَى كَامِلٌ شَامِلٌ لِكُلْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَقَرِيبٍ وَبَعِيدٍ وَلَمْ يَسْبِكُ جَهْلٌ وَلَا يَلْحَقُهُ نِسْيَانٌ كما قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa science est une science absolue qui n'a jamais été précédée par l'ignorance. D'où la différence qui est entre le ma'rifa ou l'ilm. Ma'rifa, c'est une chose qui était précédée par l'ignorance, que tu as fait une chose que tu ne savais pas auparavant. C'est une sifat qu'on attribue à Allah, mais muqayyada. تعرف الله في الرخاء يعني فكاف في الشدة كما جاء في الحديث. Reconnais Allah dans la difficulté, dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Mais mutlaqan la. Donc cette science que Allah subhanahu wa ta'ala, ce ilm qu'il a, n'est pas précédée par le djel ni n'est touchée par le nisyan, l'oubli. Comme a parlé Azza wa Jal, Moussa il a dit, dans le sens que sa science est auprès de mon Seigneur dans un livre, et que mon Seigneur ni ne s'égare ni n'oublie. Surat Taha, verset 52. Wa qala ta'ala inna Allah bi kulli shay'in alim. Que Allah est omniscient de toutes choses. Surat le butin, verset 75. Quant au verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite qu'il oublie, fal yumnansahum kama nasaw liqa yawmihim hadha, les versets où dit qu'il oublie, manatork, le délaissement. Et non pas l'oubli tel que nous on le connaît. Et là, on est obligé de faire un ta'wil. Ça va venir à la parole, Inch'Allah, quand est-ce qu'on fait un ta'wil, quand est-ce qu'on n'en fait pas. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يحقها تعب قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إلى قدرة الله est complète et parfaite également. Elle n'a jamais été ou précédée par de l'incapacité ni n'est suivie par une fatigue dans ce qu'il fait. Il dit à la sentence dans le sens on dirait qu'il n'y a rien qui est impossible à ton Seigneur dans les cieux et dans la terre. Et qu'il est certes omniscient et omnipotent. Surat Fatir, créateur, verset 44. Encore le Ta'ala, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Pour vous sachiez que Allah est omnipotent et que Allah a savé toutes choses par sa science. At-Talaq, verset 12, le divorce. Encore le Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Nous avons certes créé les cieux et la terre, et en ce qui est entre les deux, en six jours, nous n'avons pas été atteints de fatigue. Sourate Kaf, verset 38. Donc là, dans tous ces versets-là, il a affirmé sa Qudra et son Ilm. Il a renié toute forme de Ajz et de Jahl. Et le ta'ab. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. Que sa sagesse, voyez, sa sagesse, elle est absolue, dénuée de toute futilité, et qu'elle englobe toute sa création et sa législation. Allah, dans le sens où il dit, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, par jeu. Nous ne les avons créés que par vérité. Surat Dukhan, la fumée, versets 38 et 39. Encore le Ta'ala, Allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, savoir qui œuvre le mieux. Surat al-Mulk, la royauté. Verset 2. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Voici donc le jugement, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il juge entre vous et Allah est omniscient et parfaitement sage. Al-Mumtahin, à l'éprouver, verset 10. وحكمته كسائر صفاته لا تحيط بها الخلق فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما أخلقه الله فيما خلقه وشرع وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه فكلها صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Donc sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, elle est comme toutes ses sifats. C'est-à-dire que la création ne peut le cerner. Il se peut que parfois, nous ne soyons pas en mesure de savoir pourquoi Allah fait telle et telle chose, ou a légiféré telle et telle chose. Et des fois, on comprend par une chose que Allah a voulu que nous comprenions. Et donc, ce raisonnement-là, on l'applique pour tout, pour sa hikma et pour ses sifat. Que toutes ses sifat, elles sont sifat de perfection, sans aucun défaut ou aucun manque. De toutes parts. ثم قال فصل. Donc là il a parlé des sifat qu'il a affirmé. الآن يقول من الصفات التي نفى الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. Parmi les sifat que Allah subhanahu wa ta'ala s'est refusé et a renié de lui-même, là c'est le contraire maintenant du bab du fasl qu'il vient de lire. Parmi elles, il y a le jahl, l'ignorance, l'oubli, l'incapacité, la somnolence, le sommeil, la fatigue et l'injustice. Et d'autres encore. Quand Allah Ta'ala, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Sourate Furqan qu'on a pris auparavant. Le vivant, celui qui ne meurt pas. Également le verset que Moussa il a dit. Qala azza wa jalla à Moussa fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa, que mon Seigneur n'oublie pas. Tous les versets qu'on a dit auparavant, où dedans il y avait un isbat, après il y avait un infi, tadkhul fi hadha al-bab. Yustadila biha kadhalik. وكل صفات نفاها الله تعالى عن نفسه فانها متضمنه لشيئين احدهما انتفاء تلك الصفه والثاني ثبوت كمال ضدها donc toute sifat que Allah subhanahu wa ta'ala s'est refusé à lui-même qu'il a renié elle englobe deux choses premièrement le refus le reniement de cet attribut cette sifat d'une part d'autre part l'affirmation de la perfection de son opposé. Si elle te dit qu'il n'a pas telle chose, cela inclut qu'il affirme avoir le contraire avec la perfection qui va avec. Qala ala taraf ila qouli ala tara li qoulihi ta'ala wa ma kana Allahu li yujizahu min shay'in fi as-samawati wa la fil ard innahu kana 'aliman qadira. Que il y a rien qui est possible pour Allah dans les cieux et dans la terre et qu'il est certes omniscient et omnipotent. Fa inna Allah ta'ala لما نفع نفسي العجز بين ان ذلك لكمال علمه وقدرته qu'une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a renié de lui-même l'incapacité il l'a fait pour éclaircir cela le contraire qui est la perfection de sa science de sa qudra de sa capacité il a renié une chose il en a affirmé son contraire wala hadha fa نفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله ونفي اللغب والعي متضمن لكمال قوته لكمال قوته ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقمياته ونفي الموت ونفي الموت متضمن لكمال حياته ولا هذا تجري سير الصفات المنفية donc le fait مثلا qu'il est relié à la justice de lui-même cela amène à quoi ? À la perfection de sa justice. Pareillement, qu'il ait refusé la fatigue de lui-même, cela inclut quoi ? Le contraire. La perfection de sa force. Qu'il ait renié la fatigue et le sommeil, cela inclut la perfection de sa vie, sa kuyumiya, le fait qu'il se tient par lui-même, qu'il n'a besoin de personne et de rien du tout. Qu'il ait renié la mort, cela implique ou inclut la perfection de la vie. Donc toutes les sifat menfiya qui ont été reniées, tu agis comme ça de la sorte. Tu agis avec ces sifat-là de la sorte. Tu y affirmes leur opposé avec la perfection. وَلَا يُمْكِنُوا أَنْ يَكُنُ النَّفِي فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى نَفِيًا مَحْظًا بَلْ لَبُودَ أَنْ يَكُنَ لِإِذْبَتْ كَمَالْ وَذَلِكَ لِوُجُوحِ التَّالِيَ Il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait renié des sifat d'une négation pure. Mais plutôt, lorsqu'il a renié une chose, refusé une chose, c'est qu'il a affirmé son contraire. Comme cela va suivre. Al-awwalu anna Allah ta'ala qala wa lillahi al-mathlu al-a'la ay al-wasfu al-akmal wa huwa ma'dum fi an-nafi al-mahd. Que Allah, il a dit qu'il a l'exemple le plus haut, la meilleure description. Donc cela inclut qu'il n'y a pas de négation pure. Si les négations qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour lui-même, cela implique une affirmation d'une chose qui inclut une perfection dedans. الثاني ان النفي المحض عدم المحض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا donc la pure négation ça inclut un néant total on va dire le adam mahd le néant pur est une chose qui est inexistante donc une chose inexistante ne peut être un éloge et ni une perfection ne peut être ni un éloge ni une perfection الثالث ان النفي ان لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليه الموصوف لذلك المنفي او ضده لا لكمال الموصوف كما قيل الجدار لا يظلم فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابليه اتصافه بالظلم والعدل او العدل وحينئذ يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه Et on dit que le fait de renier une chose, de renier un attribut d'une chose, n'implique pas forcément une perfection de cette chose-là. Car il se peut qu'on ait refusé مثلاً cet attribut à cette chose-là, du fait qu'il ne l'accepte pas. Un exemple, il dit, le mur n'est pas injuste. Le mur n'est pas injuste. Est-ce que cela est un éloge envers le mur? Non, car le mur également n'est pas injuste, tout comme il n'est pas juste. Car à la base, le mur n'a pas été fait pour accepter la justice. Donc le fait de renier une chose, quand même, de dire cette chose n'a pas tel attribut, mathalen, cette chose n'a pas tel attribut, ce n'est pas forcément un éloge. Car il se fait que ces choses-là ne sont pas en mesure d'être décrites par le contraire. Comme l'exemple du mur. Le mur, on peut dire qu'il n'est pas injuste, on peut le dire, mais on ne peut pas dire qu'il est juste. Je dis d'une personne, elle n'a pas tel défaut, n'inclut pas quelle est la qualité qui s'y oppose. Car il se peut que ce soit, par exemple, une chose qu'ils soient incapables de faire. Il va l'expliquer, Inch'Allah. Arabi, anan nafi, lam yatadamman kamalan, faqad yakun li naqsi al mawsuf, aw li ajihi anhu, kama law qila an shakhsin ajizin an al-intisar li nafsihi, miman zaramahu, innahu la yujzi as-sayyiat bi sayyiat. Fain an nafi, مجازته السيئات بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن عجزه عن الانتصار لنفسه وحينئذ يكون النفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ولا مدحا. مثلا le fait de renier une chose d'une personne n'inclut pas forcément une perfection de cette personne là ça peut être pour un manque qu'il a en lui ou une incapacité qu'il a en lui. Par exemple, une personne qui le fait du mal, quand elle fait du mal, et lui te dit, mathalen, je ne ferai rien. Est-ce que cela veut dire que c'est forcément une personne qui pardonne et qui est tolérante? Ça peut être quelqu'un qui est incapable de se défendre, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. On va dire, Foulen, regarde, il s'est fait léser et pourtant, il ne s'est pas vengé. Il n'a pas rendu l'appareil. C'est pas forcément un éloge. On peut dire, oui, parce qu'il n'est pas capable, c'est tout. Peut-être qu'il n'est pas assez fort pour le faire. Lorsqu'il aurait la courroie de le faire, il l'aurait fait. Mais comme il n'a pas pu le faire, il ne l'a pas fait. Donc le fait qu'il ne soit pas défendu, qu'il ne soit pas vengé, dans un droit qui lui revient, ce n'est pas un éloge forcément. Si jamais il avait la courroie de le faire qu'il n'a pas fait, il avait la courroie de le faire qu'il n'a pas fait, toi, on va dire lui, Inch'Allah, c'est quelqu'un qui est très tolérant. C'est quelqu'un qui ne se venge pas pour lui-même. Donc là, on va dire, d'accord. Dans une autre situation, ça peut être quelqu'un ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à le faire. Il aimerait, mais il ne peut pas le faire. Il n'a pas la force de le faire. Donc là, on va dire, est-ce que c'est un défaut ou c'est une qualité? C'est un défaut. C'est un défaut. Donc là, après, c'est une partie, un kelem à la fin. On ne le lira pas, car il y a des habillettes de poésie, je n'arriverai pas à tout traduire. Mais le marna revient à ça. Donc le khura, ça revient à ce qu'on a pris au début. Que la première qa'ida, c'est que Allah, ce moment-là, se décrit par le nafi ou l'isbet. Et tout nafi qu'il a fait inclut l'isbet de son opposé avec la perfection. Ada ou le khurasam nedes, c'est ça qu'on a déjà pris auparavant. Et que les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est refusé, cela inclut deux choses. Qu'il a refusé la chose, déjà, la chose on n'affirme pas pour lui. Et deuxièmement, cette chose-là inclut quoi? Le contraire, son opposé, mais avec la perfection. Avec la perfection. Fahim ta'ala. Fahilahuna. Walhamdulillahi rabbil alamin.